à télé, courgettes seront votre seule occupation. Gaspillez votre niaque et votre énergie pendant que vous êtes jeune et abruti. Une fois pété le pot de départ, tous ces projets ne seront plus de votre âge. Perso, je préfère profiter de ce qui est déjà construit. Arriver à l'âge d'un retraité avec aucun regret dans ma vie. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais contre ce genre de discours. Je méprisais tous ces feignants qui se prend la nouille tous les jours à courir après le boulot. J'ai oublié ce que j'avais à faire. Je me suis fait retourner le cerveau. Mais je cache plus que ça. Je suis fait retourner le cerveau. Un peu café, plus tard.